Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science, épisode numéro 62, Podcast Science, le balado qui fait aimer la science, avec le professeur Fun. Salut Alan. Salut Mathieu. Alors aujourd'hui, on a un invité, on a un invité spécial, on va parler de géologie. Alors, bon, évidemment, quand on parle de géologie, on pense spontanément à l'étude de la roche. Mais si on regarde un peu plus près, on peut aussi penser à l'étude des couches géologiques, des strates de la Terre, on peut penser à la tectonique des plaques, à la planétologie, à plein de choses. On peut aussi penser aux applications concrètes qu'a la géologie, comme par exemple le percement des tunnels, l'étude des nappes phréatiques, le forage des puits de pétrole. Mais on ne pense pas forcément spontanément à une discipline pourtant essentielle à la géologie, qui a pour application très concrète de sauver des vies humaines, rien que ça. Alors, c'est l'étude et la prévention des dangers naturels, donc tels que des glissements de terrain, des éboulements ou encore des avalanches. Alors, on a la chance d'avoir avec nous, dans cette émission, un spécialiste de ce sujet, de prévention de glissements de terrain, qui va pouvoir nous en dire un peu plus sur cette discipline trop peu connue. Alors, c'est Clément Michoux. Salut Clément. Salut. Alors, on est vraiment content de te recevoir. Tu es doctorant à l'université de Lausanne, en Suisse, et tu travailles aussi dans une start-up qui s'appelle Terranum, près de Bucinic, à côté de Lausanne. Et si j'ai bien compris, bon, tu vas pouvoir peut-être nous éclaircir un petit peu, mais Terranum, c'est une spin-off de l'IGAR, qui est l'Institut de géomatique et d'analyse du risque de l'université de Lausanne, c'est ça? Alors oui, voilà, moi je suis doctorant à l'Université de Lausanne, à l'Institut de géomatique et d'analyse du risque. C'est là où on fait, sous la supervision de mon prof, Michel Jaboyédoff, les recherches et on développe et des concepts et des moyens pour surveiller, mais ça on en discutera un peu plus tout à l'heure. Et parallèlement, on a créé une spin-off qui s'appelle Terranum et qui est un peu... le bras opérationnel de cet institut, puisque dans cet institut on développe, et puis dans Terranum on va continuer le développement et puis aussi vendre les produits qu'on développe. Ça c'est récent, Terranum, c'est juste. Alors oui, Terranum, ça a été créé en avril 2011, donc cette année, Ouais, et puis les premiers mandats et les premières ventes qu'on a fait datent du mois dernier, donc ouais. vraiment, tout ce qui est avec les clients, c'est assez récent maintenant. C'est tout frais, ouais. Oui, exactement. Alors. Oui, pardon, vas-y, Mathieu. Non, non. Non, je voulais, est-ce que tu peux nous indiquer parce qu'on a dit qu'en fait, autant Terranum qu'à l'Institut géomatique, en tout cas dans le cadre de ton doctorat, vous travaillez sur la gestion des risques géologiques, c'est ça? Alors, oui, c'est ça, on travaille sur les risques. Moi, géologique entre autres. Donc il y a plusieurs sortes de risques et nous on étudie principalement les dangers qui sont liés au relief, donc tout ce qui est glissement de terrain, glissement rocheux, donc les terrains meubles ou les premières couches du sol ou les glissements rocheux qui sont généralement plus profonds. Mais on va aussi étudier tout ce qui est chute de blocs, avalanche rocheuse, donc ça c'est quand un pan de montier de montagne s'effondre d'un coup. Tout ce qui est lave torrentielle aussi, donc c'est des coulées de boue qui vont, suite à des très grandes précipitations, vont être très fortement chargées en matériaux et pouvoir déplacer des rochers de plusieurs tonnes. Donc pour tout ce qui est ces dangers gravitaires, nous on va travailler principalement sur la compréhension physique du phénomène, donc qu'est-ce qui se passe vraiment de l'échelle, on va dire, microscopique, plus ou moins à l'échelle macroscopique des versants. Mais on va aussi regarder comment les cartographier, comment les surveiller. Puis également, dans cet institut, on va travailler sur des dangers un peu plus larges, des dangers naturels un peu plus larges, comme les avalanches de neige, les inondations, la grêle récemment. Ah ouais. Mais là, ça va être surtout comment cartographier ces événements-là et puis quelles seront les répercussions sur la société. C'est moins physique, mais c'est plus appliqué sur ces dangers plus larges. Et la fonte des glaciers, vous faites aussi des travaux là-dessus ou? Non, ça pas spécialement notre institut, ici à l'Université de Lausanne, sur le permafrost, donc qui est le sol qui est constamment gelé, et notamment le dégel de ces permafrosts, ça va être plus l'Institut de géographie qui travaille là-dessus. Ok. Ok. Et donc vos recherches, vous les faites en laboratoire ou vous les faites sur le terrain? Alors justement, pour tout ce qui est danger gravitaire, donc glissement de terrain, comme je disais, on travaille sur les compréhensions physiques et du coup, ça va être du laboratoire avec des bacs à sable, par exemple, jusqu'au terrain. Et on travaille principalement sur le terrain avec plusieurs terrains un peu éparpillés par le monde. Et en laboratoire, D'accord. vous faites ça avec des bacs à sable. Entre autres, Ah, c'est oui. excellent. Ah, faut bien jouer un peu. Bah Et donc géographiquement, vous êtes où? Vous étudiez quel coin de la planète? Donc en fait, comme on est basé à Lausanne, nos principaux terrains ils vont se trouver dans le canton de Vaud et dans le canton du Valais, donc tout proche ici en Suisse. Mais on collabore notamment et on a des terrains en France, en Italie, en Andorre, il me semble en Autriche, en Norvège, au Népal, au Canada, aux États-Unis, en Argentine. Et plus récemment, on est en train de monter même des projets de collaboration pour surveiller des glissements en Chine et en Corée du Sud. Donc Ah ouais, il y a on du boulot, essaye. hein. Ouais, c'est des grands pays. Mais on essaye de varier les terrains de jeu et les collaborations pour étendre un maximum nos connaissances. Et puis aussi, plus on collabore, plus on apprend des autres également. Parce que vous travaillez avec d'autres instituts qui sont aussi dans ces pays-là ou. Donc pour les autres instituts, on va en fait dans ces pays, on travaille avec plusieurs types. Donc en Suisse, on va beaucoup travailler avec les autorités communales ou cantonales. Et quand on travaille dans d'autres pays, on va travailler soit avec des universités comme le Polytechnique de Catalogne à Barcelone, ou avec des services géologiques comme le service géologique argentin ou norvégien en fait. Ça dépend du pays. Ok. Et puis donc, on parlait d'évaluation des risques. Alors, avant de pouvoir évaluer un quelconque risque, il faut d'abord comprendre à quoi on a affaire. Il faut avoir des données. Tu peux nous en dire un peu plus sur la nature de ces données? C'est quoi? C'est des cartes? C'est des indications chimiques sur la composition du terrain? Et puis, c'est des données qu'on trouve comme ça, que vous arrivez à obtenir ou vous allez les chercher, vous les mesurez vous-même, comment ça se passe? Alors ouais, déjà pour évaluer le risque, il faut en premier lieu comprendre le phénomène naturel qu'on veut évaluer. Donc c'est le phénomène naturel dans notre milieu, on appelle ça l'aléa. Donc D'accord. pour comprendre cet aléa, il faut plusieurs renseignements à l'origine. Donc ça, on va se renseigner auprès des services cartographiques locaux, comme ici en Suisse, ce serait Suisstopo. Donc on va essayer de trouver des cartes, principalement des cartes de topographie, pour avoir le relief et les villages et tout ce qu'on peut trouver sur une carte comme les cartes 1-25 000 de randonnée en montagne. Et aussi en plus de ces cartes topographie, pour avoir le relief, on a à disposition maintenant dans la plupart des pays du monde et principalement en Suisse ce qu'on appelle des modèles numériques de terrain, MNT ou DEM en anglais. Donc ça va être des images en 3D de la topographie. Et en Suisse, on a la chance d'avoir une bonne partie du territoire couvert à 2 mètres. Et pour les régions un peu plus reculées et ou trop en montagne, on a jusqu'à 10 mètres. Donc je dirais le plus important pour nous, comme on travaille pour tout ce qui est lié au relief, c'est d'avoir cette topographie. D'accord. Après, pour comprendre cet aléa, on aura besoin de photographies aériennes, donc si possible récentes. Mais d'avoir les vieilles aussi, c'est pas mal, parce que comme ça, on peut comparer une évolution temporelle. OK. On va rechercher les cartes géologiques. On va rechercher s'il y a des données de déplacement. Et puis aussi, par exemple, quand on travaille dans une vallée entière, on va regarder dans la littérature, dans les articles scientifiques et aussi dans les livres un peu historiques de la région, si on retrouve des infos qui existent sur des glissements qui sont dans cette vallée ou même sur le glissement qu'on étudie nous-mêmes. Dans ces infos, on va rechercher par exemple des coupes, s'il y a déjà des modèles qui ont été faits, s'il y a déjà des travaux de stabilisation qui ont déjà essayé d'être entrepris sur l'instabilité ou dans la région qu'on étudie. Ouais, donc il y a Et tout un puis. travail pour de recherche d'archives historiques un peu pour essayer de retrouver s'il y a déjà Ouais, eu des. exactement. Pour vraiment caractériser ce phénomène, on va essayer de voir par le passé s'il a déjà bougé, si de combien il a bougé, si on étudie une falaise qui a des petites chutes de blocs, jusqu'où vont les blocs. Enfin, des fois, dans les journaux, on va voir telle maison a été détruite par un bloc, et puis du coup, ça va nous renseigner également sur ces phénomènes. Et puis voilà, pour le risque, il faut comprendre le phénomène physique, et puis aussi il faut savoir s'il y a vraiment des éléments à risque, parce que une chute de bloc en très haute montagne où il y a personne et puis où il y a juste une pente herbeuse dessous, et ben le danger, c'est-à-dire l'aléa, le phénomène physique est là, mais Ouais, l'impact il y a est pas de moindre. risque sur des maisons, des routes, sur des vies humaines ou sur des infrastructures. Ouais, donc vous devez aussi recenser les populations, ou en tout cas les habitations. Voilà. Donc on va recenser ces habitations, on va chercher, soit on va les cartographier nous à partir de photos aériennes, soit on va regarder, par exemple en Suisse, on a la chance d'avoir beaucoup de données cartographiques, notamment des cartes d'utilisation des sols. Donc là, on va voir où il y a des champs, des forêts, des maisons. Donc tout ça, on peut voir un peu où sont situés ces éléments à risque. Puis, avec toutes les données qu'on récupère, donc toutes ces cartes principalement, on intègre tout ça dans un projet qui s'appelle SIG, donc dans un projet d'information géographique. Donc, dans ce projet, on va archiver, et on va superposer un peu comme des calques toutes les informations qu'on a, les cartes topographiques, les photos aériennes, les photos satellites si on en a, les données météo s'il y a aussi, les zones exposées, si d'après les récits qu'on trouve dans les livres, on peut par exemple mettre un point sur une maison qui a été soufflé par une avalanche ou touché par une chute de bloc. Puis à ce moment-là, on a vraiment le premier état des lieux de ce qui existe. Et comme ça, la première fois qu'on va sur le terrain, on sait déjà, on n'y va pas complètement dans l'inconnu et on sait déjà plus ou moins ce que l'on veut et ce qu'on veut regarder plus précisément, ce qui a déjà bien été documenté. Donc ça, c'est vraiment la première approche qui peut être parfois fastidieuse de retrouver toutes les cartes et tous les renseignements qu'on a déjà à disposition. Ouais. Donc justement, quand vous avez identifié une zone à risque, vous vous rendez sur place et vous allez faire des mesures plus précises, j'imagine. Oui, alors une fois qu'on est sur place et qu'on étudie une zone de glissement ou un glissement en particulier, ben le premier instrument de mesure, c'est d'abord notre œil et puis le carnet de terrain. On est une science naturelle et puis observer, émettre les hypothèses sur ce que ça peut aller, enfin se questionner, eh ben c'est le premier outil, je dirais. Et en fonction de ce qu'on voit sur le terrain, on va adapter les solutions. Ah, d'accord. Par exemple, pour caractériser une paroi rocheuse qui peut être sujette à chute de blocs, il va nous falloir une boussole pour mesurer des discontinuités. Un mètre pour mesurer la longueur d'une fracture Attends, ou son ouverture. excuse-moi, Clément, on a eu une petite coupure quand tu parlais de la boussole. Tu peux juste reprendre? Oui, bien sûr. Donc, je disais que pour ces parois rocheuses, on peut regarder avec les boussoles pour connaître l'orientation des discontinuités. On peut aussi mesurer avec un mètre pour connaître la taille des fractures, leur ouverture. Et c'est vraiment pour caractériser ce qu'on appelle en géologie la structurale de la falaise, donc l'orientation des fractures, savoir quelles femmes ils sont en jeu, s'il y a eu des plis ou pas, parce que ça c'est important pour savoir après où peuvent avoir lieu les chutes de blocs. Et parfois on travaille dans des endroits où les falaises, ben, elles sont tout simplement inaccessibles ou trop grandes, et puis pour avoir quand même un modèle de la topographie et un modèle 3D de ces falaises, on va utiliser un lidar. Donc le lidar, qu'est-ce que c'est? C'est une machine, c'est un laser qui permet de mesurer optiquement. Et cet instrument de mesure, il nous fournit des nuages de points représentant une topographie à haute résolution. En fait, Cet instrument, il envoie un faisceau laser dans une direction qui est connue précisément grâce à un jeu de deux miroirs. Et il va envoyer ce pulse laser et ce pulse laser va se réfléchir sur le terrain et revenir vers l'appareil. Il va enregistrer le temps de C'est à la fois et un connaître la vitesse de la radar. lumière. On peut retrouver la distance d'acquisition. Ouais. Et il va balayer avec le miroir un peu tous les quelques centimètres, c'est une résolution qu'on lui demande, et à ce moment-là, on peut avoir un modèle 3D à haute résolution de la falaise. Donc quand la falaise, elle a plus de 1000 mètres, et puis perdue dans les arbres, et on ne peut pas atteindre avec notre boussole et notre mètre, on peut quand même, grâce à cet appareil, avoir une idée très précise ensuite. Parce que ça arrive à couvrir de grandes surfaces alors quand même. Alors oui, on peut courir d'assez grandes surfaces, pas des trop grandes non plus, mais on peut... On peut facilement couvrir des falaises qui vont faire plusieurs centaines de mètres de haut et plusieurs centaines de mètres de large. Ouais, quand même. Oui. Donc c'est un D'accord. instrument très utile pour nous. C'est un des instruments qu'on utilise le plus ici à l'Institut. Et puis après, toujours dans ces mesures, une fois qu'on a caractérisé la structurelle de cette falaise, il faudra aussi quantifier les déplacements. Et pour cela, on dispose de nombreux outils de nos jours. Et puis, pour faire mieux, et on les utilise de manière complémentaire pour recouper les informations, pour voir si on ne dit pas de bêtises. Donc, il y a le lidar, par exemple, parce que, comme on disait, le lidar, ça nous fait un modèle à haute résolution de la topographie. Et si on revient plusieurs mois ou plusieurs années après, qu'on reprend de nouveau cette topographie, et qu'après, une fois au bureau, on va superposer l'ancienne topographie et la nouvelle, on va pouvoir voir s'il y a des zones qui manquent, à ce moment-là, ça pourrait être des chutes de blocs, s'il y a une partie de la falaise qui s'avance, à ce moment-là, ça pourrait dire, ah, attention, là, il y a un glissement rocheux, on va le surveiller de plus près. Donc, LIDAR, ça peut permettre de dégrossir, et puis parfois d'aller un peu plus précisément dans l'analyse, puis après, on a tous les GPS qu'on peut laisser sur le terrain, à ce moment-là, ils vont dire en permanence, sur un glissement qui a déjà été identifié, de combien il bouge. Ah, On carrément, vous peut laissez des utiliser. appareils GPS sur place pour... Alors, ça, c'est une fois que le danger a été identifié, on sait qu'il y en a un. Et vu que c'est des appareillages qui coûtent cher, on va le mettre dans des endroits où il y a un risque, il y a une population en dessous, une route à fort passage, à fort trafic. Mais on peut laisser aussi des matériels beaucoup plus rudimentaires, comme un mètre qui va mesurer l'ouverture d'une fracture derrière un bloc, par exemple. Et puis, du coup, on a toute une batterie d'outils qui permettent de mesurer ces déplacements. Et en fonction du site, on va pouvoir dire tel outil va mieux pour mesurer ce site-là, tel autre irait mieux, ou faire un réseau d'appareillage aussi. Et à ce moment-là, avoir une bonne couverture et une bonne mesure de tout le site étudié. Ouais. Et en préparant l'émission, là, on était tombé sur le terme GIS, GIS. Ça veut dire quoi? Système d'information géographique, c'est ça? Oui, voilà, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Un GIS, c'est SIG en anglais. Donc, c'est le moyen par informatique de mettre en superposition toutes les cartes et puis après de jouer dessus. En fait, c'est classer l'information mais de manière géographique sur une carte. Donc repérer et localiser les éléments à risque, dire où les zones sources susceptibles. En fait, ouais, c'est trier l'information qu'on a de manière géographique et de superposer les éléments pour recouper les informations aussi, du coup. D'accord. On se posait aussi la question, quand vous êtes sur place, sur le terrain, alors bon, j'imagine qu'en Suisse, vous devez avoir des données, vous devez avoir beaucoup de données, elles doivent être assez précises, mais suivant où vous enquêtez sur la planète, peut-être qu'il y a moins de données, qu'elles sont plus difficiles à obtenir. Est-ce qu'il vous arrive d'enquêter auprès des populations locales, pour obtenir des informations? Ouais, alors tout à fait, mais je dirais que même en Suisse, on enquête, Ah, c'est vrai? on essaye de collaborer. Pas tout le temps, par exemple, quand c'est une immense masse rocheuse qui bouge de plusieurs millimètres par an, la population locale va pas pouvoir nous dire grand-chose parce qu'elle peut pas dire si ça bouge plus ou moins. Mais par exemple, quand on va étudier des chutes de blocs, on peut sur une falaise, on peut aller voir s'il y a des gens qui habitent pas loin, s'ils ont entendu bouger quelque chose, ou s'ils ont entendu tomber quelque chose, ou si une pierre est arrivée dans leur jardin. Et D'accord. puis, d'ailleurs, par exemple, si on veut demander ça, il vaut mieux souvent demander si la pierre elle est tombée dans le jardin du voisin. Ils vont répondre plus volontiers que si on leur demande si la pierre est tombée dans leur jardin. C'est des petites techniques qu'on apprend Une petite avec stratégie le temps. psychologique pour pas qu'ils Ouais, c'est disent ouh là là, il y a toute une machinerie qui va venir chez nous là pour nous protéger de la montagne. un peu ça. Et puis quand vous travaillez en Amérique du Sud ou en Asie ou en Suisse alémanique, vous faites comment pour communiquer avec les populations locales? Vous dégainez votre assimile ou vous collaborez avec des équipes sur place? Alors, heureusement pour la Suisse alémanique, on a deux, trois germanophones dans nos Ah. bureaux. Mais oui, quand on va généralement, d'autant plus à l'étranger, quand on va à l'étranger, c'est on collabore avec soit des services géologiques, soit des universités. D'accord. Et il y a souvent des locaux, du coup, qui nous accompagnent. Et c'est par leur intermédiaire qu'on peut discuter avec les populations. Donc quand on parle anglais, il n'y a pas trop de soucis. Espagnol, on se débrouille plus ou moins encore. Mais quand on va en Norvège, le norvégien, c'est un peu plus délicat. Ah ouais. Donc ouais, donc souvent, du coup, ceux avec qui on collabore, il y en a un ou deux qui viennent avec nous et qui nous servent et de guide et de traducteur, j'aimerais dire. Ok. Ouais, moi, je suis assez fasciné déjà à ce point de l'interview. J'avais une image du géologue ouais, que j'imaginais un peu geek de la roche comme ça, très très dans le matériau. Puis en fait, je me rends compte que pour obtenir des données, vous exploitez tous les moyens possibles, pour ce qui semble logique après coup. Mais ouais, c'est cette combinaison de low-tech, de high-tech, de documentation. De recherche d'informations, puis même de psychologie auprès des populations locales, c'est assez épatant. Ah oui, merci. Moi, je crois que la psychologie, elle pourrait être encore plus améliorée et encore pour faire plus participer encore les populations locales, notamment dans les prises de décision une fois que un événement est survenu. Disons que c'est vraiment important parce que on a un métier qui finalement est vraiment basé sur l'opérationnel, et l'opérationnel, on fait ça pour les gens. Donc on se doit d'être avec eux, donc d'être psychologue aussi. Et puis les nouvelles technologies, je dois dire que c'est assez récent, que c'est pas ancré dans tous les bureaux, mais que bah à l'université, on se doit être à la pointe des recherches en la matière, en tout cas. Tu sais si on commence à donner des cours de psychologie dans la fac de géologie ou bien? C'est exactement la question que j'allais poser. Est-ce que ces Alors aspects relationnels sont intégrés dans le cursus? pas vraiment, ça vient un peu avec l'expérience, mais pas dans le cursus de géologie, mais dans le cursus de sciences de l'environnement en master, il y a un cours de communication du risque qui est donné maintenant. Ok. Donc depuis 2 ou 3 ans, je sais pas exactement comment communiquer avec les populations, comment communiquer dans les journaux. Disons que c'est de plus en plus enseigné. D'ailleurs, une ancienne master de chez nous est partie en Hollande faire une thèse sur communication du risque. Donc finalement, c'est de plus en plus à la mode Ouais. parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de savoir communiquer aussi. Et donc, quand vous avez mis en place tout votre éventail de techniques pour récolter des données, une fois que vous avez ces données, bon, tu nous as parlé avant du GIS ou SIG, du système d'information géographique qui permet de superposer les cartes pour essayer de détecter des mouvements. Mais ça passe uniquement. Donc, une fois que vous avez toutes ces données, vous évaluez le risque par ce genre de simulation ou vous faites aussi des maquettes où il y a des logiciels spécifiques que vous utilisez. Comment ça se passe? Donc en fait, c'est souvent, ça va être en plusieurs étapes, comme toujours, et puis bien sûr, c'est modulable à chaque cas. Heureusement ou malheureusement, on fait un métier où faut un peu tout le temps réfléchir, et puis il n'y a pas de solution préétablie. Mais de manière générale, pour évaluer le risque, ben, un peu comme pour la même chose pour récolter les données, la première chose à faire, c'est d'évaluer l'aléa. et l'aléa, le phénomène physique. Et pour ça, il faut connaître, il y aura deux éléments clés en tout cas. Ici, ça va être dans un premier lieu de connaître l'ampleur du phénomène, de prendre ces données de déplacement, soit par lidar, par mètre, par GPS, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, pour connaître ces déplacements, connaître l'ampleur des phénomènes, ça va nous permettre de savoir des probabilités d'occurrence. Ok, ben par exemple, dans cette région-là, il va y avoir deux blocs par an qui tombent, ou un bloc tous les 30 ans, un bloc tous les 300 ans. D'accord. Et une fois qu'on a ces probabilités d'occurrence, il faudra savoir jusqu'où ils peuvent aller, ces blocs. Et c'est à partir de là, on va faire des modèles, par exemple des modèles de propagation. Parce que cartographier, savoir qu'une zone, c'est une zone source, c'est bien, mais il faut savoir dire aussi jusqu'où peut aller le bloc qui tombe. Et avec quelle énergie aussi, parce que s'il tombe avec une énergie de 30 kilojoules, et ben il va pas détruire ou inférieur à 30 kilojoules, il va pas détruire un mur en bois. Et supérieur, il va commencer à pouvoir détruire. Et 300 kilojoules, il peut détruire des murs en béton. Donc tout ça va nous ça c'est important pour savoir si une maison peut se situer à un tel endroit, pour savoir si un habitant il va être en danger même à l'intérieur de sa maison. Et donc ces propagations et ces énergies, on va surtout les voir avec des modèles. Donc il y a plusieurs types de modèles. Il y a des modèles un peu conceptuels qui sont vraiment basés sur les lois de la physique, les lois de la balistique, par exemple. Il va y avoir des modèles empiriques aussi qui sont vraiment basés sur l'observation d'événements passés. Et puis on a remarqué que tel type de roche va se comporter de telle manière, on ne sait pas forcément l'expliquer, on l'explique à peu près. Mais toujours est-il que ça n'est pas moins employable. Donc on va. Et ça, c'est les modèles empiriques, c'est surtout basé pour tout ce qui est propagation à l'échelle régionale. Si on fait une carte régionale de chute de blocs, par exemple. Ou ces modèles empiriques pour à l'échelle locale, par exemple, quand on fait une trajectographie pour un seul bloc, eh bien, il faut prendre en compte quand le bloc tombe les coefficients de rebond sur le sol. Est-ce que tel type de sol va plus absorber la masse, l'énergie, pardon, et à ce moment-là, le bloc ira moins loin, de fait. Ou est-ce qu'il va taper contre un caillou qui est très dur, et à ce moment-là, il va restituer toute l'énergie, puis il va faire un bond encore plus haut, le caillou, et la trajectoire ira encore plus loin. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on a les derniers modèles, c'est un peu. Là, c'est la partie un peu marrante, c'est qu'on fait dans les bacs à sable aussi. Ah Dans ouais. les bacs, on va remplir le bac, on va mettre de l'eau, puis on va regarder au bout de combien de temps. Bien sûr, on va faire une pente, puis on regarde au bout de combien de temps le glissement se crée. Et ça nous permet, ce genre de modèle, de détecter des déplacements, les déplacements précurseurs qui sont les prémices d'un grand glissement généralisé, on va dire, de toute la pente. Et à ce moment-là, on peut faire des cartes de vitesse, puis on dit, attention, à partir de telle vitesse, on risque un glissement plus général. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup de choses, ça implique beaucoup de choses, hein, vos travaux. Ouais, faut vraiment, les sciences naturelles, puis la géologie, sont vraiment jouées sur plusieurs échelles, et de taille et de temps, en fait. Et puis ça implique aussi plusieurs modèles, donc la trajectoire simple, la trajectographie à l'échelle régionale, et puis du coup ça va pas être les mêmes modèles forcément utilisés derrière. Un modèle local se doit d'être plus précis qu'un modèle régional, par exemple, à Tout à échelle fait, ouais. régionale. Donc pour finir d'évaluer le risque, ben, une fois qu'on a caractérisé l'aléa, et ben il faut savoir où sont les populations et les infrastructures menacées? Et puis après, pouvoir répondre aux questions, ben, par tel aléa dont j'ai telle propagation, combien de personnes sont menacées, combien de bâtiments? Et puis on va raisonner en termes de probabilité ou d'intersection entre les zones de danger et des maisons. Puis ça peut aller plus loin. Par exemple, en Norvège, on va devoir travailler, on travaille, on a beaucoup la problématique de glissements qui peuvent tomber dans des fjords. Donc on va dire que c'est pas très grave, finalement c'est que de l'eau. Mais le problème, c'est que les masses rocheuses sont tellement grandes que ça va faire des tsunamis. des tsunamis, ils vont mettre en danger les populations qui habitent au bord des fjords. Ah ouais. Donc ça peut cette problématique de trouver les populations à risque, elle n'est pas juste dessous le rocher, quoi. Il faut voir un peu plus loin aussi. Ouais, effectivement. Et donc, vous utilisez des simulations logicielles pour prendre en compte tous ces paramètres? Oui, donc souvent on va utiliser des modèles qu'on doit trouver, soit de propagation, soit de probabilité de rupture aussi. Et puis bien sûr, ces modèles, on va les faire par l'intermédiaire de logiciels. Et ces logiciels, en fait, ils sont souvent assez pointus, assez spécifiques, monotaches, mais ils doivent de le faire bien. Et ils doivent intégrer constamment les dernières découvertes pour être à jour sur le sujet. Et donc, en fait, c'est que dans de nombreux cas, ben, la recherche fondamentale sur ces phénomènes, ben, doit s'accompagner sur l'écriture de ces logiciels, parce qu'ils n'existent pas pour le coup. Ils sont Ah ouais, tellement c'est ça. pointus qu'on se D'accord. doit de les écrire nous. Donc, D'accord. vous devez aussi savoir programmer et développer un software, donc comme tâche Oui. additionnelle à tout ce que tu nous as Alors, dit. je tiens à dire que bah, moi, pour le coup, personnellement, je sais pas, mais dans notre institut, il y a un pôle d'anciens géologues et d'ingénieurs d'ingénieurs en génie rural et même d'hydrologues, donc c'est vraiment des parcours variés qui sont mis à la programmation parce qu'au début ils en avaient besoin, puis finalement maintenant ils regardent quels sont les besoins, qu'est-ce que nous on a besoin, et puis nous on les aide à implémenter en disant ce qu'on veut, en testant, et puis eux ils font ces logiciels orientés métiers. D'accord. Ben, par exemple, je sais pas, dans notre institut, nous on a deux exemples de logiciels qu'on a dû développer parce que personne d'autre ne le faisait et puis que ça n'existait pas, et pourtant on en avait vraiment besoin. Il y a le premier logiciel, il s'appelle Coltop 3D. Donc ce logiciel-là, par exemple, il va prendre les données LIDAR. Donc le LIDAR, c'est la machine qui reconstitue la topographie à très haute résolution. Le laser, là. Ouais, voilà, le laser. Et puis avec ce logiciel, on va pouvoir retrouver assez rapidement l'orientation des surfaces, des discontinuités, des failles de cette falaise, ou même des fois on scanne dans des tunnels. Et du coup, grâce à une représentation de système de couleurs qui était unique et que personne n'avait pensé à faire avant, et puis une architecture qui a été construite pour le lidar, et ben maintenant on peut ouvrir des très grands fichiers de données 3D parce que c'est souvent plusieurs millions de points, c'est des fichiers qui peuvent faire jusqu'à 1 giga. Donc c'est vraiment lourd, et puis il faut pouvoir traiter ces données, c'est pas le tout de les récolter sur le terrain, mais si on n'a pas de logiciel qui les traite, qui sont suffisamment puissants pour gérer des grandes données des grands nuages de points, c'est un peu ballot. Et puis du coup, on peut après visualiser très rapidement, exporter très rapidement ces familles présentes qu'on peut retrouver sur les scans. Puis je dirais aussi que le deuxième exemple de logiciel qu'on a dû développer parce que personne d'autre ne le faisait, il s'appelle Flower. C'est un logiciel qui permet de propager des cailloux lors de chutes de blocs, mais aussi de laves torrentielles et d'avalanches neigeuses. Donc dans ce logiciel, on va rentrer les zones sources potentiel de différents types d'aléas, donc de chute de blocs, d'avalanches. Et puis dedans, on a implémenté différentes lois de propagation. Donc ces lois de propagation, on les a pas trouvées, on les a retrouvées dans la littérature, elles étaient déjà publiées. Et implémenter, du coup, pour tel type de phénomène, on va pouvoir choisir tel type de loi de propagation qui va bien, et puis on va pouvoir calibrer. Et un petit exemple, ben avec ce logiciel, un des premiers trials que j'ai dû faire en rentrant dans cet institut lorsque j'ai commencé ma thèse, c'était de cartographier toutes les zones potentiellement atteignables par des avalanches de neige pour la commune de Bagne en Valais. Donc Bagne, c'est la commune où il y a la station de ski de Verbier. Donc c'est vraiment des logiciels très pointus mais très concrets derrière, dont les retombées sont assez concrètes. Et en fait, quand vous mettez toutes ces informations dans ces softwares, vous obtenez en fait des modèles de cartes avec des zones de couleurs, tu nous as dit. Et en préparant l'émission, on avait vu que vous appelez ça un Digital Elevation Model, c'est ça? En fait, les Digital Elevation Model, c'est tout bêtement, c'est la topographie vue du ciel. En fait, c'est pas les résultats, c'est plutôt une entrée. Ah, d'accord. Alors, donc c'est C'est, avant d'introduire dans le software. donc une carte topographique, en fait, elle, quand on regarde les lignes de contour, eh ben, ça, c'est la topographie vue du ciel. C'est pour ça que, par exemple, les zones de falaise, les lignes vont être très resserrées parce que vue du dessus, une falaise qui est verticale, elle occupe peu d'espace. Ouais. Donc en fait, c'est ça que ça veut dire Digital Elevation Model. Ok. D'accord. Mais par contre, alors, en sortie de ces softwares, vous obtenez des modèles avec différentes couleurs. En fait, c'est souvent représenté avec des couleurs, c'est ça, les zones à risque. Ben oui, en fait, parce que bon, nous, on travaille beaucoup avec le visuel, donc les couleurs, on aime ça, c'est quand Ouais. même plus parlant. Mais en sortie de ces logiciels, ben, ça va dépendre quel logiciel on utilise. Mais pour les logiciels de propagation, bien sûr, on va avoir des zones avec une forte probabilité d'atteinte, donc et puis des zones avec des plus faibles probabilités d'atteinte. Donc ça, généralement, plus c'est fort, on va vers le rouge. Puis après, où il y a peu de chance, on va aller vers le bleu ou le vert. Enfin, ça dépend. Ok. Mais oui, ça dépend vraiment des types de logiciels qu'on utilise. D'accord. Et Ok. la manière dont on veut le représenter également, ça peut être important. Il y a Ouais, des j'imagine qu'il y a fois. aussi différents formats de sortie qu'on peut utiliser selon ce qui Ben, nous intéresse. ça dépend aussi pour qui et pourquoi on le fait. Voilà. Des fois, on a juste besoin de montrer toutes les zones. Donc là, on va mettre une couleur. Puis des fois, on a besoin de cartographier. Quand on est un peu plus sûr de nous aussi, parce que les modèles ne le permettent pas tout le temps. Quelles sont les zones à plus fort danger, moins fort danger? Ouais. D'accord. Et puis c'est exprimé comment en pourcentage de risque? Donc ouais, donc si on la représentation du risque, elle est vraiment compliquée et je dirais que à l'heure actuelle, elle n'est pas résolue encore. D'accord. Si on prend le cadre de la Suisse, qui est comme un pays développé, et puis c'est un peu la même chose dans tous les pays qui européens, France, Italie ou Norvège, même Canada, le principal, enfin surtout en Suisse, qui est fait de nos jours, c'est la carte de danger. Donc c'est le danger, c'est l'aléa. Donc c'est lui qui est représenté sur les cartes et c'est pas le risque. Donc la différence, c'est que les cartes de nos jours, elle parle surtout de l'événement en lui-même, donc l'événement naturel et non de son interaction avec les populations. Et sur ces cartes de danger, on va représenter, on va cartographier l'aléa en fonction de deux choses, de son temps de retour et de son intensité. Donc ça a été codifié en Suisse en 1997, par des recommandations fédérales. Donc c'est très précis. Si on prend le cadre, par exemple, des chutes de blocs, les chutes de blocs, elles vont être cartographiées en fonction de leur intensité. Donc si je reprends les textes, fédéraux, une intensité forte, ça correspond à une zone où les hommes et les animaux sont en danger à l'intérieur des bâtiments. Il faut s'attendre à des dégâts considérables aux bâtiments allant jusqu'à leur destruction. Après, il y aura des zones où on va considérer une intensité moyenne, où les hommes et les animaux sont en danger à l'extérieur des bâtiments, mais le sont peu à l'intérieur. Il faut s'attendre à des dégâts aux bâtiments. Puis il y aura des zones, enfin, qui sont d'intensité faible, où les hommes et les animaux sont peu menacés, même à l'extérieur des bâtiments. Donc la première chose, c'est de connaître donc l'intensité des phénomènes, donc pour pouvoir cartographier en fonction de fort, moyen ou faible. Il faut aussi connaître leur temps de retour, savoir si par exemple pendant le cas toujours des chutes de blocs, si à tel endroit, eh ben il y a une chance d'avoir plus d'un bloc tous les 30 ans ou plus d'un bloc tous les 30 à 100 ans, ou tous les 100 à 300. Donc par exemple, donc ça fait une matrice où il y a trois entrées, enfin deux entrées, une intensité, qu'elle soit forte, moyenne ou faible, et puis une période de retour, forte, moyenne ou faible. Et à D'accord. ce moment-là, on va faire des trois zones, Et puis là, effectivement, c'est des zones de couleur et dans les recommandations fédérales, on va parler de zones rouges. Donc, c'est des zones où l'intensité va être forte et le temps de retour élevé. Donc, c'est des zones où il est interdit de construire. Après, il y aura les zones de danger bleu où l'intensité est moyenne et puis les temps de retour moyens, où c'est des zones de réglementation. Donc, les bâtiments devront avoir des normes de sécurité minimum suivant certaines énergies calculées. Et puis après, il y aura les zones de danger jaune. C'est des zones de sensibilisation, donc la population doit être au courant. Donc en Suisse, de nos jours, pour résumer, c'est vraiment le danger qui est représenté et c'est le danger qui fait foi législativement, je dirais. Ouais, Et d'accord. l'étape d'après, eh ben, c'est d'aller vers les cartes de risque. Et pour ça, ben, il n'y a pas encore de solution, il n'y a pas de loi. Et d'ailleurs, il y a plusieurs collègues ici à l'IGAR qui font leur thèse sur comment passer des cartes de danger aux cartes de risque. Donc ça, c'est Mais l'idéal, vraiment tout un domaine. ce serait essayer d'avoir un standard international aussi pour ces cartes de risque, non? Alors, oui, standard international, mais il faut dire que toutes les populations ne répondent pas pareil au risque non plus. Et que ce serait pas mise praticable dans tous les pays. Les standards qu'on va avoir en Suisse vont pas pouvoir être exportables en Argentine ou au Népal, par exemple. Oui, d'accord. Il y a des tentatives qui, dans des publications qui font et européennes et mondiales et mondiales qui tentent de mettre un peu des standards. On arrive de plus en plus à avoir des standards dans tout ce qui est danger, mais le risque, c'est vraiment encore en construction, je dirais. D'accord. Donc, une fois que vous avez récolter toutes ces données, vous avez effectué des simulations, un traitement logiciel, vous avez déterminé une zone à risque. Qu'est-ce qui se passe? Quelle stratégie vous adoptez pour éviter le risque? Quel type d'opération de prévention vous faites? Vous allez alerter les autorités? Vous faites des recommandations pour monter une protection? Que sais-je? Comment ça se passe? Alors, comme toujours, ça va dépendre, mais il y a plusieurs solutions. Une fois qu'on a identifié un danger, on sait qu'il existe et puis on sait qu'il y a des populations ou des infrastructures qui peuvent être touchées et atteintes par ces dangers. Il y a plusieurs solutions. Il y a d'abord, on peut éliminer le danger. Pour ça, si c'est un bloc, on peut l'ancrer. Si c'est un glissement de terrain, on peut essayer de le drainer. On peut purger des falaises au-dessus des routes, par exemple. Mais ça va pour les instabilités de petite taille. Si c'est tout un versant qui risque de bouger, ben, on peut pas faire grand-chose. Et à ce moment-là, on va devoir passer à l'étape du dessus. C'est bon, puisqu'on peut pas, on peut pas annuler ce danger, on va faire en sorte que s'il arrive, qu'il y ait personne à ce moment-là dessous et pour ça, on va déplacer la population lors d'une catastrophe. Donc, pour pouvoir déplacer la population, on peut faire comme en France, c'est déjà arrivé qu'ils déplacent tout un village de manière définitive, mais ça peut pas être applicable partout et en tout temps. Donc la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est faire une surveillance en continu des déplacements sur un glissement. Donc si on prend un des glissements rocheux les plus surveillés et les plus connus dans le monde, qui s'appelle le glissement d'Oknes en Norvège, c'est un immense glissement rocheux qui menace de tomber dans l'un des plus beaux fjords de Norvège, et ce glissement, il peut créer un tsunami et à ce moment-là, détruire tous les villages aux alentours. Donc ce glissement, il est continuellement, lui, surveillé par 8 GPS fixes. Il y a 20 distances mètres, donc c'est des lasers et qui mesurent des cibles. Et à ce moment-là, on peut voir si ça se déplace. Il y a 3 extensomètres qui mesurent des ouvertures de fractures en arrière de blocs et de glissements et de ce glissement instable. Puis il y a aussi plusieurs forages qui ont été faits pour surveiller les déplacements en profondeur. Donc sur ce glissement, si plusieurs capteurs notent une accélération en même temps, eh ben, il va y avoir une alerte. Donc, si, et pour ça, il faut aussi fixer des valeurs seuil. Donc, dans ce cas-là, par exemple, si au bout de, pendant plusieurs jours, on constate une accélération de la vitesse entre 5 mm par jour puis jusqu'à 10 mm par jour, eh ben, il y a des sirènes qui vont se mettre en route dans les villages, plus des appels téléphoniques automatiques à tous les habitants qui ont été recensés dans la région. Et à ce moment, on peut évacuer toutes les communes autour de Sueur dans 72 heures. Ah ouais. Donc ça, c'est un petit peu une gestion qui fait figure d'exemple parmi les systèmes de surveillance et d'alerte de par le monde. Il y en a plusieurs qui sont comme ça, mais c'est pas là pour ce cas-là, c'est vraiment ce qui se fait de mieux et ce qui a été le plus étudié. Donc là, la solution, c'est de déplacer les populations, mais la dernière solution aussi, on peut également protéger ces populations et ces infrastructures, ben, en construisant des digues dans le cadre d'inondations, mettant des filets de protection, comme on en voit souvent au-dessus des routes, pour protéger des chutes de blocs. On peut faire des bassins de rétention pour essayer de capter une coulée de boue qui arriverait au-dessus d'un village. Donc, gérer le risque, il n'y a pas vraiment de solution automatique, elle doit s'adapter et puis souvent, on va essayer de mixer et de mélanger plusieurs méthodes ensemble. Parce que vous pouvez aussi provoquer artificiellement la chute de roches ou bien avec des explosifs comme ça. Alors oui, ça arrive, ça se fait, explosif ou même barre à mine. On peut pas le faire si le bloc est trop gros. On peut pas vraiment le faire s'il est au-dessus de maison, mais s'il est au-dessus de route. Des choses comme ça, mais on peut fermer la route, faire tomber l'explosif, après faire attention que le rocher, on arrive à le détruire en suffisamment de petite taille pour qu'il puisse pas emporter toute la route aussi dans sa chute, comme c'est en montagne, Ouais, bien après sûr. reconstruire une route, ça peut prendre beaucoup beaucoup de temps aussi. Ouais, bien sûr. Et Donc ouais. puis, moi, je me posais une question. Quand il s'agit de déplacer des populations, est-ce que ces dernières coopèrent toujours? Il doit y avoir des attitudes très très différentes d'un coin à l'autre du monde, non? Est-ce que les gens sont prêts à partir? Est-ce qu'ils croient le risque? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est vraiment là où on voit et on se rend compte de l'importance de consulter les locaux. Donc les locaux, c'est la population et les autorités lorsqu'on met en place ces types de systèmes. Parce que bon, si on prend deux, trois exemples comme ça, si on prend au Japon ou pour la surveillance volcanique par exemple, quand un volcanologue, il va dire, ah, demain, on voit, il y a plusieurs signes qui montrent que demain, le volcan rentre en éruption, on va déplacer toute la population. Le lendemain, il n'y a pas d'éruption. La Ouais, mais population c'est revient. toujours ça, ouais. Mais le Japon, bon, ben, c'est un peuple, Obéissant. consciencieux, obéissant. Et la deuxième fois, on leur dit, attention, demain, il y a éruption, ils vont quand même se déplacer. Si on fait la même chose, par exemple aux Antilles, la première fois on les déplace, la deuxième fois ils vont plus se déplacer pour rien. Ouais, bien Donc faut sûr. vraiment faire attention de ce que le scientifique dit, ce que le système d'alerte dit. Il faut vraiment éviter à tout prix les fausses alertes. Et aussi il faut faire de la pédagogie derrière en communiquant, en allant dans les salles des fêtes. Je sais qu'en Norvège ils font beaucoup de réunions. Dans les salles de fête, avec la population locale directement. Pardon. Et pour expliquer comment ça se passe, faut que ce soit le plus transparent possible. On remarque que là où ça marche le mieux, c'est vraiment là où c'est le plus transparent et où la population locale est la plus impliquée aussi. Mais c'est là toute la difficulté. C'est pas toujours facile de. Ouais, faut que si les autorités sensibilisent bien la population, ça se passe peut-être pas partout de la même manière selon où on se trouve sur le globe. Non, non, non, on a vraiment besoin les scientifiques à eux seuls, ils peuvent plus ou moins rien faire. Déjà, c'est pas eux qui ont l'argent, c'est les autorités locales, donc ou régionales, mais il faut déjà qu'il y ait le financement. Donc c'est là où ils doivent être impliqués, bien sûr, en premier lieu, et après aussi pour parler avec leur population, pour organiser ces débats, ces explications. Sinon, les mesures, elles passent pas. Ouais. Ça me fait penser à un grand glissement qui s'est produit en Autriche, à Schliffgraben. Et puis, là-bas, le service géologique autrichien, ils se sont dit, bon, bah, ça bouge, ça met en danger les gens. On va faire un centre de surveillance en continu et d'alerte. Ils l'ont fait. Puis après, un jour, ils sont arrivés vers la commune. Ils ont dit, on vous donne les clés du centre, on l'a fait. Et la commune a dit, non, non, nous, on n'en veut pas. On n'a jamais été mis au courant. On sait pas comment ça marche. On sait pas comment vous avez fait ça. C'est trop obscur pour nous. On saurait même pas quoi en faire, quoi. Donc, oui, vraiment, l'importance de De collaborer. avec la population, c'est primordial, je dirais. Parce que vos clients, c'est qui finalement? C'est des gouvernements, tu nous as dit, des institutions, il y a des ONG aussi qui... Oui, alors nous, avec l'université, on a collaboré avec, on collabore surtout avec d'autres universités comme Polytechnique de Catalogne, comme l'Université de Milan ou de Grenoble, mais on va aussi travailler pas mal pour des autorités directement communales, comme à Bagne, on travaille souvent avec eux. On travaille régulièrement avec les cantons du Valais, de Vaud. Et des ONG, on travaille plus pour les pays en développement avec les ONG. En Argentine, pas en Argentine, pardon, en Argentine c'était avec le service géologique, mais au Népal ou au Pakistan, on travaillait avec des ONG parce que eux apportent le financement et nous on apporte les solutions techniques et puis scientifiques derrière. Et vous êtes quand même leader sur ce domaine. Enfin, je sais pas si moi je suis népalais, je sais que dans ma région il y a un risque d'éboulement. Bon, je vais m'adresser peut-être au service de géologie local, mais eux, ils vont faire quoi? Vous êtes connu? Ils vont s'adresser? Comment ça va se passer? Vous faites de la promotion pour vous faire Dans connaître, je sais pas. la promotion pour se faire connaître, elle va passer par le cadre de collaboration. Au Népal, par exemple, maintenant, plusieurs villages savent qu'il faut s'adresser à telle ONG et telle institution pour nous atteindre. Mais en tant qu'université, on est surtout connu dans je dirais dans le monde académique, et ça va de soi. Là où nous, on se démarque des autres, c'est vraiment qu'on est à la pointe pour tout ce qui est technique de détection et de surveillance des glissements grâce au LIDAR. Donc c'est cet appareil laser et pour la surveillance des glissements et des coulées de boue et aussi, ben, comme je l'ai dit, pour développer ces logiciels très pointus et très sophistiqués dans nos domaines. Et ce lidar, il est uniquement utilisé dans votre domaine d'expertise ou il est aussi utilisé dans d'autres disciplines? Alors disons que les dangers naturels pour le LIDAR maintenant, avant il était principalement utilisé pour ça, disons que le LIDAR terrestre, et maintenant il vient de plus en plus pour le génie civil, pour cartographier l'intérieur des villes, on le met Ah sur des ouais. voitures et puis on passe dans une ville et comme ça on a le modèle de la ville, on peut aller, C'est moi j'ai eu des Google conférences, Street View, mais... ouais, de la sorte, sauf que ça y est des photos, ben, c'est des nuages 3D. Puis il y en a qui vont surveiller des autoroutes, ils vont rouler sur 100 km d'autoroute pour voir où il y a des fissures dans la route, des choses comme ça. Disons qu'on est les dangers naturels, c'est pas le seul La seule les dangers application. naturels ou la géologie structurelle, c'est pas le seul domaine d'exploitation de ces lidars. Mais C'est cher ce dans ces lidar. domaines-là, ah, le lidar, si c'est cher, Ouais. c'est aux alentours de 150 000 euros. Ouais. Donc, c'est une petite somme à Ouais, c'est trouver. un investissement. C'est un investissement à long terme, mais qui en vaut vraiment la peine si on veut travailler proprement de nos jours. Ouais, ça fait un stress supplémentaire dans les expéditions. Là, il faut pas casser le lidar ni Non. le perdre. Non, déjà, le premier stress, c'est de passer les douanes avec. Ah ouais. Moi, une fois, je suis allé en Norvège, il a fallu passer la douane à. J'avais un lidar, une autre, j'avais pour 300 000 euros de matériel dans le van. Il faut s'arrêter. Le premier stress, c'est de s'arrêter aux douanes, montrer les papiers, puis on est en Norvège en voiture, et ben faut passer la douane suisse, allemande, après allemande, danoise, danoise norvégienne, aller-retour. Ah, vous allez Donc, en voiture, enfin en van là-bas. ben Ouais. parfois, comme on va dans des régions reculées, ben c'est plus moins cher de louer une voiture et puis de rouler 4 jours aller, 4 jours retour que d'expédier toutes les machines. Nous payer les billets d'avion une fois sur place, de louer une voiture pour encore faire un jour de route. Ah, waouh, ouais. Mais c'est heureusement, D'accord. c'est pas tout le temps le cas. C'est quand même Ouais, plus non, puis commencer à faire un confortable cours l'avion. magistral. Faire un cours magistral devant un douanier qui demande si vous avez quelque chose à déclarer pour lui expliquer ce que c'est qu'un lidar. Ouais, Ça non, mais puis doit quand être on lui dit sympa, qu'il ouais. faut faire gaffe à ce qu'on dit aussi au douanier. Si on dit que c'est Ouais. un appareil laser, des choses comme ça, il y a des mots à bannir aussi. Ouais, bien sûr. Faut aussi Faut avoir de la pas. psychologie aussi dans Ah, toujours, toujours à la douane. parfois avec les douaniers, il faut beaucoup de psychologie. Je dirais. Ok. Donc, tu as cité quelques autres instituts dans le monde qui travaillent aussi sur ce type de problématique. Tu as cité notamment Milan, Grenoble et l'Université de Catalogne. Comment est-ce que l'UNIL se positionne dans le domaine? Est-ce qu'elle est pionnière? Est-ce qu'elle travaille volontiers en. Elle collabore volontiers avec d'autres instituts. Elle est plutôt en concurrence. Ça se passe comment entre vous? Vous vous connaissez d'une université à l'autre? Alors oui, on se connaît même bien, surtout en Europe, parce que on a travaillé pas mal. Hein. Bon, il y a toujours un peu de concurrence, mais c'est le jeu, je veux dire. Mais il faut bien se rendre compte que la collaboration, c'est vraiment la clé pour être complet dans un domaine, parce que nous, on va être à Lausanne par l'intermédiaire du LIDAR, puis maintenant des nouvelles technologies que moi j'essaye d'importer par l'intermédiaire de ma thèse, comme tout ce qui est radar. On va être fort, on se spécialise et on se dirige de plus en plus dans l'acquisition de ces données et le traitement après, tu vois, le traitement, ça va être de pouvoir en tirer des informations sur la géologie structurelle et sur les déplacements. Mais après, l'importance de collaborer avec les autres, c'est d'avoir les autres points de vue du glissement. Par exemple, avec Grenoble, on collabore en ce moment sur un glissement qui est au Diableret, où eux font toute la géophysique de ce glissement et surveille les ondes sismiques qui se propagent dedans, et grâce au changement des vitesses d'ondes sismiques, on a pu prévoir la dernière fois une coulée de boue quelques jours avant qu'elle arrive. Et donc nous, si je peux appeler ça un consortium, enfin dans cette collaboration, Grenoble va s'occuper de la géophysique, va nous renseigner là-dessus, et nous on les renseigne sur les déplacements qu'on peut surveiller, et à ce moment-là, en croisant nos informations, on a pu mettre en évidence certaines recherches. Ouais. Avec Barcelone, et ben eux, ils sont aussi très bons pour tout ce qui est chute de bloc, mais dans l'étape d'après, c'est-à-dire dans le calcul du risque, puis même la vulnérabilité d'un bâtiment par rapport aux chutes de bloc. Donc je sais que nous, avec eux, on est déjà allé faire du lidar à Andorre, dans la principauté, pour pouvoir avoir les falaises la topographie des falaises. Et que après, à partir de ces lidars, on a vu où pouvaient chuter les blocs et puis calculer la vulnérabilité d'un bâtiment. Si je prends un bloc sur un pilier central, qu'est-ce que ça fait? Ou si je prends un bloc sur une paroi qui, je dirais, pas porteuse, quelle est l'influence? Ouais, tout à fait. Et Donc, oui, oui, vas-y. pardon. Non, je voulais finir en me disant que, bah, par exemple, avec l'université de Vancouver, l'université Simon Frazier, ben une fois qu'on a ces déplacements, et ben il faut aussi faire les modèles en 3D de ces glissements, mais en profondeur aussi, pour savoir sur quelle surface le glissement glisse, vraiment la modélisation 3D. Et donc ça, avec cette université-là canadienne, ben on collabore beaucoup. Et puis enfin, je dirais que avec d'autres universités comme Milan, ben là on essaie de mettre en place un système de surveillance pour toute la chaîne alpine des grands glissements. Donc c'est vraiment la meilleure voie, c'est la collaboration, mais une vraie collaboration, c'est-à-dire je te donne, tu me donnes, et puis et c'est là où Tout le on monde est apprend le plus gagnant. finalement. Ouais, tout le monde est vraiment tout le monde est gagnant dans ce genre de système-là. T'as évoqué, si on peut peut-être juste venir un tout petit instant dessus, t'as évoqué la contribution de ta thèse. où tu apportes la technologie enfin, tu proposes la technologie du radar. C'est ça que tu as dit? D'accord. Et que c'est nouveau, comment ça s'articule par rapport au LIDAR? Bah, en fait, le lidar, ça va envoyer une onde qui est dans le domaine de l'optique. Donc, une longueur d'onde qui va être proche, c'est dans l'infrarouge. Moi, dans le radar, je vais envoyer des ondes qui vont être beaucoup plus grandes, qui sont centimétriques, de longueur d'onde centimétrique. Et c'est un instrument que je laisse tourner en permanence sur une zone. Et si c'est un instrument qui est assez prometteur parce que il va être complémentaire du lidar. Le lidar, ça va nous permettre de voir des déplacements, je dirais, qui sont en moyenne, tout dépend de l'acquisition, mais quand on travaille de manière un peu de tous les jours, on va pouvoir voir des déplacements qui sont supérieurs à 2 cm. Et ça, on peut les même voir sur des toutes petites zones. Mais la limite de détection, de déplacement, ça va être aux alentours de 2 cm. Avec le radar, c'est un peu différent. On va pas pouvoir détecter sur des toutes petites zones, c'est-à-dire que la zone à surveiller va forcément devoir faire plusieurs dizaines de mètres sur plusieurs dizaines de mètres. Donc ça peut être des gros glissements rocheux ou sur toute une paroi ou sur tout un versant. Par contre, on va pouvoir détecter des mouvements qui sont jusqu'à 2 millimètres. Ah oui, d'accord. Et bah là, la dernière, ce qu'on a fini de faire la semaine dernière, c'est de surveiller un glissement qui a toujours dans la commune de Bagnes en Valais, où on a pu détecter des mouvements d'un déplacement de plus de 7 mm en 10 jours. Donc 7 mm, ça paraît pas beaucoup, mais quand c'est un pan de montagne, ça commence à être assez élevé. Et surtout, détecter des mouvements de l'ordre de 7 mm, c'est assez rare, puisque par exemple, il est aussi surveillé par un bureau de géomètre, ce glissement, par un GPS. Et le GPS, il est incapable de dire Il le en voit dessous de pas, ouais. 5 cm. D'accord. Donc le 5 cm, un glissement, s'il bouge de 5 cm en 10 jours, et ben Faut partir glissement en courant. rocheux, il faut commencer en tout cas à faire ses valises. Ok, donc sacrée contribution là, le radar. Ouais, je suis moi-même surpris en bien. C'est pas comme le lidar. Le lidar, l'avantage, c'est vraiment que c'est portable. Bon, au pire, on prend l'hélico, il nous pose un endroit la journée, on remplit tout le soir et puis on repart. Le radar, non, c'est des surveillances à long terme, c'est un peu plus d'infrastructures derrière. Mais après, la qualité des résultats me surprend également et j'en suis très content. Formidable. On arrive gentiment au bout de l'interview. Mathieu, tu as une dernière question? Ouais, ben, tu as mentionné avant que vous aviez réussi à prévoir une coulée de boue. Quelle est ta plus grande satisfaction? Est-ce que vous avez réussi à carrément sauver des vies lors d'une de vos mesures? Ou tu as un exemple Non. à nous citer Bon, plus grande satisfaction, je sais pas. Je suis qu'au début de ma courte carrière, mais sauver des vies, ça non, parce que c'était pas au-dessus de maison, c'était au-dessus d'une route, puis le glissement menaçait pas directement la route. Mais disons que mes plus grandes satisfactions, c'est quand on dit attention, là c'est en train de bouger, et puis que les gens du coup font attention, et quelques jours après, on voit que ça tombe, et ben je dirais qu'après les gens ils nous prennent plus au sérieux, et puis dans le coup d'après, quand on leur dit attention, ça va peut-être tomber, ils nous écoutent, et puis ils font en sorte de gérer le risque, comme on disait tout à l'heure. Donc là, c'est assez plaisant quand on arrive à voir quelqu'un en leur disant attention, là ça va rebouger, puis que les gens nous font confiance, nous écoutent et font en sorte de remédier le sujet. Excellent. On va en rester là pour aujourd'hui. C'est vraiment passionnant. Merci infiniment. Comment est-ce qu'on peut faire si on veut en savoir un peu plus? Est-ce qu'il y a des sites web à disposition? Alors, si on veut en savoir un peu plus, peut-être que le plus simple, c'est d'aller sur le site web de l'Institut pour commencer. D'accord. Si je peux le donner, www.unil.ch/IGAR, donc IGAR. Ok, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Et sinon, c'est d'aller sur le site de Terranum pour se rendre compte des logiciels qu'on peut développer. Et ça, c'est www.terranum.ch. Donc, Teranum. Parfait. Formidable. Clément, merci infiniment. Un grand C'est moi merci, qui vous Clément. remercie. Merci beaucoup. Tu restes avec nous, on va juste parler de trois petites choses en lien avec le podcast. Entier. On n'en a pas pour long. Peut-être revenir. Voilà, on a eu un commentaire nouveau sur les, enfin de nouveau, sur les conditions chimiques nécessaires à la vie. Un commentaire de Jonathan, qui, parce que bon, on avait déjà dans les émissions précédentes parlé du système jovien. Donc, est-ce que on peut considérer Jupiter comme un système stellaire ou pas? Alors, il y a Jonathan qui nous apporte deux trois compléments, qui nous dit, je viens apporter quelques nouveaux éléments relatifs au questionnement concernant le système jovien et son éventuelle considération en tant que système stellaire avorté. Alors c'est justement la finalité évoquée dans le film 2010, l'année du premier contact, qui, s'il n'a pas la classe de son aîné 2001, est néanmoins très intéressant d'un point de vue scénaristique et scientifique. Alors je ne connaissais pas ce film, je ne sais pas si toi, professeur Fun, t'en as entendu parler. Non, ça me disait rien du tout, mais je l'ajoute de ce pas à ma liste de films à voir. Alors, visiblement, à la fin du film, Jupiter se voit stellifié, donc il nous met ça entre guillemets, grâce à l'action des monolithes. Donc stellifié, ça veut dire transformé en étoile. Ouais, j'interprète ça comme ça, moi. Et ces derniers viennent se concentrer autour de la planète gazeuse et en augmentant la masse jusqu'à provoquer l'effondrement de celle-ci sur elle-même. D'accord. Il en résulte du coup une explosion, transformant Jupiter en étoile et ses quatre lunes principales en autant de nouveaux mondes habitables. C'est sympa comme histoire. Donc, il nous dit qu'il était fasciné par ce scénario au point de faire de Jupiter sa planète préférée en ravivant son intérêt pour l'astronomie. Et de manière plus concrète concernant l'habitabilité des lunes de Jupiter, il nous dit, j'ai pu comprendre en m'informant sur le sujet que si la proximité avec notre Soleil n'est pas suffisante pour agir directement sur les lunes, ce sont en revanche les puissants effets de marée exercés par Jupiter qui apportent l'énergie permettant l'activation de volcanisme et les suspicions de présence d'eau liquide sur certaines des lunes joviennes. Voilà. Ok. Bon, intéressant. En tout cas, moi, je note qu'il faut aller voir 2010, l'année du premier contact. Ouais. Ça m'a donné bien envie. Ouais, c'est Très sympa de sympa. scénariser un phénomène scientifique qui pourrait être réaliste, en fait. Ouais, non, c'est tout l'intérêt de la science-fiction, finalement. Mmh. Ok, sinon, quelques petites annonces encore. Alors, déjà, signaler l'arrivée d'un nouveau podcast, c'est 12 minutes 2. Alors, c'est une initiative de notre ami Xilrian, qui était venu nous présenter déjà son podcast sur la vie artificielle. Donc, dans 12 minutes 2, il a l'intention de parler de tout ce qui l'intéresse, en fait, et qui n'est pas de la vie artificielle. Donc, de l'histoire des sciences, de la politique et de la religion. Puis, le format, ce sera des épisodes de 12 minutes. Ça semble assez prometteur. Donc le premier épisode est une reprise d'un des épisodes de la vie artificielle qui avait le bon format. Le deuxième épisode qui doit arriver demain sera un nouvel épisode inédit. On se réjouit de découvrir tout ça. L'adresse c'est 12minutes2.com. Donc 1-2 minutes au pluriel de.com. Excellent, il chôme pas, dis donc. Non, effectivement, un peu hyperactif ce garçon quand même. Et puis sinon, nos remerciements à Draculito qui a de nouveau joué les braves volontaires et qui a retranscrit l'épisode 53. C'était l'interview de Julien Stervinou de Convergence Composite qui nous avait parlé essentiellement du projet Green Hélice. Donc la retranscription n'est pas encore en ligne, mais dès qu'on a 5 minutes, ce sera fait. Ça ne saurait tarder. Un immense merci. C'est un boulot de fou ces retranscriptions. C'est vraiment super sympa. Puis c'était une initiative de Draculito. En plus, on lui a même pas demandé de le faire. Il a fait ça spontanément. C'est super cool, très généreux. Merci infiniment. Un grand merci à lui, ouais. Ouais. Et puis, sinon, juste annoncer le prochain épisode. Donc, on l'enregistre dans une semaine. Ce sera le mercredi 30 novembre 2011 avec un nouveau podcasteur qui va venir faire son tour d'essai. Voilà, donc on en avait déjà parlé. Il s'appelle Franck et il va nous parler de l'origine du virus du sida. Ah, sympa, ouais. Bon Ouais, sujet, enfin. ça. Ouais, effectivement. L'origine de l'épidémie, et puis il va remonter jusqu'à l'origine du virus. Donc, ouais, très très prometteur. Bon, on se réjouit de le recevoir. Absolument. Et puis bon, là, maintenant qu'on l'a annoncé publiquement, on lui met le dernier petit coup de pression. Ça va être bien, Franck, t'en fais pas. Ok. On arrive Donc, on arrive. gentiment au bout, là, non? C'est ça, on n'a plus rien d'autre à dire que ta fameuse quote qu'on attend tous avec impatience. Qu'est-ce que tu nous as mijoté cette semaine? Ben écoute, c'est une quote un peu particulière. Enfin, non, elle n'est pas particulière, mais elle peut paraître un peu facile comme ça, voire triviale. Mais bon, elle rejoint ce dont on a parlé. Et puis voilà, donc je vais la dire. Elle est de Saint Augustin, qui dit ben, une chose toute simple finalement. Savoir pour prévoir, prévoir pour agir. Savoir pour prévoir, prévoir pour agir. Ouais, non, c'est vrai. Ben, c'est un peu un retour aux fondamentaux en fait, parce que Exactement. voilà, il faut de temps en temps. Et puis non, puis ce que j'aimais bien finalement, c'est que voilà, la connaissance n'amène pas forcément directement à l'action. Des fois, c'est bien comme le fait Clément, que la connaissance l'amène à la prédiction, et à partir d'une prédiction, là, on peut entamer une action. Finalement, moi, je la trouve bien dans le thème de la soirée. Ouais, Ouais, c'est elle est pour ça que même j'étais. pile dedans, c'est vrai. Ouais, donc c'est vrai, c'est exactement ce que vous faites finalement. Vous collectez de la donnée pour établir un risque. Une fois que vous établissez ce risque, ça permet de passer à l'action. C'est exactement ce que notre ami Saint-Augustin Ouais. avait Ouais, avait dit, alors, attends, produit. je vais juste vous dire en quelle année il était Saint Augustin. Je crois que c'est 3e siècle ou quelque chose comme ça. Ouais, 4e siècle. Donc, tu vois, les D'accord. principes de base de la gestion de risque géologique ne sont pas nouveaux. Ah non. Il était en avance sur son temps, ce garçon. Voilà. Excellent. Bon, bah, une quote bien inspirante, comme d'habitude. Formidable. Extra. Donc, Mathieu, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, merci Clément, encore un tout grand merci. Merci à vous. Et puis ben à bientôt tout le monde. Allez, bonne fin de semaine. À tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao.